Je me lève avec le cafard de mon cortex en confetti. Jaillit une cuvée de mes pensées les plus noires. Cette journée est mal partie. Alors que tu me prends la tête, c'est la prise de tête du lundi. Je ne dis rien, j'aimerais mourir sur la moquette. Le cafard court le long du lit. Oh, quelle prière me sauvera? Quelle prière me sauvera? Quelle prière me sauvera? Dans le miroir, c'est la bataille. Hagard, blafard, décomposé. Je reconnais bien là ma tête de funérailles. Aujourd'hui, qui vais-je enterrer? Quelle prière me sauvera? Vers les effluves de café, je pique du nez dans les nuages d'aspirine et rejoins les bras de Morphée. Wow, quelle prière me sauvera? Wow, quelle prière me sauvera? Quelle prière me sauvera?